Alors, sans transition entre cette internationale communiste qui vient du site Cinéarchive, le site des archives communistes, et ce serait Marcel Cachin en 1938 en Bretagne, et l'ensemble de l'assistance reprenant donc cette internationale en breton. Donc, mais sans transition, revenons à la page 153 de la revue Jeff Clack, où l'on peut lire « La réduction des risques dessine une perspective collectivement désirable en plus d'être efficace. La contagion n'est pas inexorable. » On parle bien ici de la contagion de la Covid. « La contagion n'est pas inexorable. Essayons d'améliorer nos réflexes de protection au-delà des cercles affinitaires à partir de notre camp. Imaginons des solutions compatibles avec nos besoins et nos pratiques pour briser les chaînes de transmission du virus et aller de l'avant. Seule la construction d'une autodéfense sanitaire permettra de se projeter à long terme, partout, dans nos lieux, nos événements, nos luttes à venir. C'est aussi l'occasion de se remettre au clair sur les valeurs qui nous unissent, pour ne plus oublier la solidarité et l'inclusivité. La maladie et les précautions ne sont pas une affaire individuelle. Ce que nous désirons, c'est un monde habitable par tous et toutes, quelles que soient les performances de son système immunitaire, lesquelles dépendent en grande partie de rapports de force déterminés par le système capitaliste, puisque la santé, entre guillemets, individuelle, dépend largement des conditions sociales, de travail, de logement, de l'alimentation à laquelle on a accès, etc. Plutôt que de nous enfoncer dans le déni des morts de la pandémie et de dissimuler notre lassitude des mesures de prévention sous des arguments anesthésiants, prenons le surgissement de l'épidémie comme une réalité à laquelle faire face ensemble. Ouvrons des perspectives à une société désirable, pas aux épidémies. C'est la conclusion de ce texte très fort, intitulé « Vivre avec égale laisser mourir ». Covid, une épidémie de mort évitable, qu'on retrouve donc à la page 146 et suivante dans la revue de Jeff Clack, Feu follet de l'année 2022. Pour préparer cette émission, on a fait l'expérience en fait, de plonger dans la revue dans son entièreté. Et la lecture de certains articles nous a aussi donné envie à notre tour de travailler certains thèmes. Et comme il est dit dans l'édito, ce numéro de Feu Follet se situe au croisement entre les plis intérieurs du deuil et l'espace collectif où ces douleurs font effraction. Et Vinciane Després, dans l'interview qu'elle donne dans Feu Follet, définit le travail de deuil comme une épreuve pour comprendre ce qui arrive lorsqu'on est confronté à la mort. Et vu qu'il est difficile en fait, de parcourir la revue sans avoir en tête l'épidémie de Covid qu'on traverse depuis plusieurs années, à notre tour, on a voulu poser cette question: quel travail de deuil est possible dans le contexte de cette épidémie? Et encore plus particulièrement, comment faire face à un deuil dans le contexte du confinement où le simple fait de se retrouver était interdit. Et donc on a voulu faire entendre ce avec quoi il a fallu faire face dans le travail de deuil pendant le confinement. Et on va entendre le récit d'Elsa et Ivan, des amis très proches, qui ont fait face tous les deux au même moment au décès de leurs proches pendant le premier confinement de l'épidémie de Covid-19. Pendant le premier confinement, ma mère m'a appelé pour m'annoncer soudainement que mon père André avait du mal à respirer, qu'il était très douloureux, et qu'il lui avait dit de m'appeler. Et mon père, qui avait déjà eu des histoires médicales, assez nombreuses finalement, dans la décennie qui a précédé, déjà de toute façon, il n'avait pas spécialement envie de revivre un gros épisode à l'hôpital. Il n'avait pas envie de revenir plus abîmé. Et puis il n'avait pas envie d'aller à l'hôpital dans ce contexte où les hôpitaux étaient déjà fermés. Le lockdown, le verrouillage des hôpitaux, on le savait, on le connaissait, il était annoncé. Et mon père, il n'avait pas envie de se retrouver de l'autre côté de ces murs. On avait déjà conscience, avant même que ça nous tombe dessus, à moi et puis à Elsa, de se retrouver avec un proche qui soit de l'autre côté. Ma grand-mère, en 2020, au moment, au début du Covid, vivait dans un EHPAD à Paris, dans le 20e arrondissement. Et au tout début de la crise, le 27 mars, on a reçu un mail de la direction qui était à la fois assez vague et assez technique sur la réorganisation de l'établissement, les recommandations de l'ARS, etc. Et tout à la fin du mail, rajoutait « Malgré tout ce qu'on a pu faire, le Covid est entré dans l'établissement. Si on ne vous a pas appelé, c'est que vos familles ne sont pas concernées. » Point. Et évidemment, quelques jours plus tard, on a été appelé pour nous dire que ma grand-mère était malade. Et en fait, pendant tout le temps de cette maladie, la communication avec l'EHPAD a été assez infernale. Parce que les seules personnes qui répondaient au téléphone, c'était les aides-soignants. Et les aides-soignants, ils n'avaient pas le temps en fait, de nous prendre. C'est eux qui passent le plus de temps avec les résidents, avec les malades. Et en plus de ça, ils ne sont, sont pas médecins, ils ne sont même pas infirmiers. C'est très compliqué pour eux de donner des données médicales. Et c'est comme ça qu'on apprenait souvent, après coup, ce qui s'était passé. Comme par exemple, on pouvait nous dire un jour, non, il semble que son état aujourd'hui est stationnaire. Et en tirant pour avoir plus d'informations, on avait l'impression qu'eux-mêmes constataient au même moment qu'ils nous l'annonçaient, par exemple, elle est sous oxygène. Comment ça, elle est sous oxygène, si c'est stationnaire, hier, elle ne l'était pas. Et en insistant, ils regardent dans le dossier, si, hier, elle l'était, oui, mais on ne nous l'avait pas dit. Et on les sentait débordés, évidemment, mais aussi comme gênés, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on leur demandait, mais comment ça se... Parce qu'on savait qu'il manquait de matériel, on savait que l'hôpital manquait, et que si l'hôpital manquait, c'était pire dans les EHPAD. Et on les sentait complètement pris comme ça dans un tabou, quoi, et en souffrance. Et donc le lendemain de mon arrivée, on a essayé de, quand même d'avoir un avis médical. Et que c'est là qu'on s'est retrouvé face au premier mur, c'est le refus d'intervention d'un médecin à domicile. On a appelé plusieurs numéros, dont les urgences médicales de Paris. Et face à mon insistance, j'ai obtenu de parler à un médecin régulateur qui, là, m'a expliqué qu'il n'y aurait pas d'intervention parce que c'était des consignes de l'ARS de ne pas se déplacer chez les vieux. Donc on a passé 3-4 jours face à mon père, qui n'était pas soulagé de sa douleur. Heureusement, on a passé ces 3-4 jours ensemble, d'ailleurs, puisque après, on a été soudainement coupés de lui, donc... Et c'est un infirmier qui l'a visité pour lui refaire un bandage, qui nous a dit, là, il faut appeler maintenant, il faut qu'il soit hospitalisé maintenant, qui a appelé le SAMU. Et là, alors qu'on avait donc, aucune intervention médicale, aucun soutien, en fait, il a été, dans la demi-heure, emmené par des infirmiers à l'hôpital Lariboisière, d'abord. Et puis on a passé la journée entière à téléphoner pour essayer d'avoir des nouvelles. Et puis on a passé la journée à entendre « tu, tu, tu ». Et donc le soir, on s'est déplacé avec ma mère à Lariboisière. Et déjà, on a été reçus par la surprise qu'on soit là, alors même que... mon père, le compagnon de ma mère depuis 50 ans, était hospitalisé dans une urgence vitale et qu'on était sans nouvelles depuis le matin. Un médecin s'est déplacé, il nous a donné des premières nouvelles et puis il nous a aussi annoncé que dès le lendemain, il allait être transféré à l'hôpital Montsouris. Et donc, seulement grâce à notre insistance et en ayant combattu notre... culpabilité de nous déplacer, on était dans ce contexte où le seul fait d'aller à l'hôpital, qu'on soit malade ou qu'on soit le proche d'un malade, exposait presque à une éventuelle vindicte générale, et que on était déjà incongru à arriver dans l'accueil des urgences pour demander des nouvelles. On a beaucoup essayé de joindre la direction qui... avait du mal quand même à daigner répondre au téléphone, qui on envoyait des mails, et des mails très cordiaux. Hein, on disait, on comprend bien que c'est compliqué pour vous, mais s'il vous plaît, rappelez-nous un moment dans la journée, même le soir, quand vous pouvez. Et les rares fois où j'ai réussi à la voir au téléphone, j'avais besoin qu'elle nous explique la situation, qu'elle nous dise, j'avais besoin d'entendre qu'il y avait une pénurie, qu'il manquait, que c'était dur. J'avais besoin de savoir s'il y avait du personnel malade, pas pour l'en rendre responsable, elle, évidemment, mais pour pouvoir me représenter la chose, quoi, avoir une représentation. Et elle se bornait à mentir, en fait, à dire non, on manque de rien, non, les FFP2, bien sûr, on en reçoit tous les jours. Et elle faisait un truc... pire, c'est que quoi qu'on lui demande, elle disait « Mais vous savez, les personnels souffrent beaucoup, vous savez, les personnels sont dévoués. » Comme si on s'en prenait au personnel, et comme si poser une question sur comment ça se passe, et même comment c'est dur pour eux, c'était remettre en cause le fait qu'ils travaillent bien, ou qu'ils puissent travailler. Et comme si elle nous culpabilisait, en fait, du simple fait de poser une question. Et donc, on s'est finalement déplacé à l'hôpital Montsouris. Et là, c'est un tableau assez incroyable parce que c'est un hall gigantesque qui fait 100 mètres sur 50 mètres. On rentre, pour ça, il faut mentir au vigile en disant qu'on a rendez-vous avec un médecin. Il y a seulement une femme à l'accueil, sur un bureau. Donc c'est assez irréel. On a l'impression qu'en fait, on est dans un décor de cinéma ou dans un hôpital fermé. Et en fait, même cette secrétaire, elle n'arrive pas à avoir des nouvelles. C'est-à-dire que pendant des heures, elle essaye de joindre les services et elle n'obtient pas de réponse. Les premières nouvelles qu'on obtient, c'est parce qu'on alpague une infirmière qui passe par là pour aller s'acheter un sandwich. Et elle comprend notre désarroi, elle comprend notre situation et elle accepte de faire passer des mots, des images, des photos et des petits mots qu'on a fait pour André. Et c'est comme ça qu'on commence à rétablir un petit lien dans ces 4 jours où il a été hospitalisé à Montsouris avant son décès. C'est grâce en passant par des trous de souris. Je me rends compte à quel point toutes ces petites victoires qu'on a eues avec ma maman pour communiquer avec mon père dans ces derniers jours, c'est ce qui nous a permis de comprendre ce qui nous arrivait, d'échanger, juste de se dire les derniers mots qui étaient nécessaires pour se séparer, en fait. Et un jour, ça faisait peut-être bien 4-5 jours qu'elle était malade. Je comprenais que son état empirait. J'ai un aide-soignant au téléphone qui me dit que c'est quand même de plus en plus dur. Et au moment où je lui demande plus d'explications sur l'oxygène, sur les médicaments, il craque complètement et il me hurle dessus. Mais de toute façon, c'est plus possible. Il faut arrêter d'appeler. On ne peut plus vous prendre. Comment voulez-vous qu'on travaille si vous appelez ? C'était là, lui il hurlait, moi je pleurais, et je disais mais enfin je comprends que là je suis en train de vous empêcher de travailler, mais je vais pas ne pas appeler, c'est pas possible, j'ai besoin de savoir quand même ce qui se passe, une minute par jour, mais j'ai besoin de savoir et je vais pas ne pas appeler. Et il dit, si c'est comme ça, on s'en occupera encore moins bien, et parce qu'on n'aura pas le choix. Et on a raccroché comme ça, extrêmement fâché. Et du coup, on était sous le choc. Et le soir même, j'ai raconté ça à Ivan. Et pour se redonner un peu de courage, on a écrit ce tract qu'on a été collé sur la porte de l'EHPAD de ma grand-mère, en fait. Au personnel de tous les EHPAD, nous, proches de résidents, comprenons la difficulté et le désarroi qui sont les vôtres. Vous n'êtes pas responsable de l'indigence dans laquelle l'État français a plongé le système de soins depuis des décennies. Nous ne vous identifions pas à ce système. Néanmoins, vous portez une responsabilité, celle de la transparence à propos de la situation dans les établissements où vous travaillez. Vous avez cette marge de manœuvre, dire la vérité, là où de nombreuses directions encouragent à cacher la gravité de cette situation. Pour nous permettre de supporter cette situation, peut-être celle de ne plus jamais revoir un être aimé, mais aussi pour nous permettre de nous révolter contre le peu de moyens dont vous disposez, nous avons besoin de savoir. Et parce que nous aurons su, nous pouvons nous retrouver à vos côtés afin de lutter pour des EHPAD où l'on aura envie de vivre et de travailler. Si vous parlez, il y aura des oreilles pour vous entendre. Bon, c'était rien, ce mot, à ce moment-là. Là, c'était juste une petite feuille A4, la collée sur une porte. Mais dans ce moment de confinement, on n'avait pas le droit de se voir, pas le droit de sortir, pas le droit d'avoir accès aux malades, que les EHPAD étaient confinés, que tout était confiné. Déjà pouvoir être à deux avec Ivan, écrire ce mot, le coller sur cette porte, sur ce mur-là, qui était un mur physique et psychologique, et où il y avait ce tabou, quoi. Déjà, ça disait, on vit dans le même monde, en fait. Oui, il y a les vieux et les malades d'un côté, et vous, là, derrière le mur, mais il y a nous aussi derrière. Et en fait, tout ça, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est quand même une situation collective et un moment d'histoire collective. Mmh. donc le dernier jour de vie de mon père, alors que je réussis à parler avec un médecin, il nous annonce que la mort de mon père est imminente, que voilà, qu'il va mourir, et que donc on a le droit de venir le voir. Et alors qu'on se prépare, deux heures plus tard, on reçoit un coup de fil d'un médecin qui, sans aucune relation avec le coup de fil précédent, nous dit que André a reçu des soins, que ça va mieux, qu'il y a des choses positives, qu'il va être transféré dans une aile non-Covid. Donc je demande si on a le droit d'aller le voir. Et là, il me dit, bah non, attendez du coup un coup de fil du médecin qui va le prendre en charge dans l'aile non-Covid avant de venir le voir. Ce serait con que vous veniez alors qu'il est transféré. La sidération a fait que nous, on a mis 5 heures à se préparer en fait pour y aller. Pourtant, on savait qu'il ne fallait pas attendre de coup de fil. Évidemment, on n'a jamais reçu de coup de fil. Bizarrement, cette fois-là, on est rentré comme dans du beurre jusqu'à sa chambre. On est arrivé ce jour-là, cette secrétaire à l'accueil, elle nous a simplement indiqué qu'il était au premier étage et on est arrivé dans sa chambre. Et là, il était tout seul. Et alors qu'on nous avait parlé d'amélioration, il était extrêmement faible. On a échangé quelques regards avant qu'il ferme les yeux et qu'il soit dans la difficulté respiratoire. Et du coup, on ne comprenait rien, en fait. On a annoncé le décès à midi, à 14h, une amélioration, un transfert vers un endroit où ça allait mieux. Et on est tout seul face à lui. On cherche les signes de l'amélioration et on ne comprend rien. En fait, il est en train de mourir. À un moment, je vois qu'il y a du sang qui s'écoule de lui. Et donc, je vais chercher une infirmière. Je suis vraiment perturbé. Et c'est une infirmière, en fait, qui me dit qu'André, il est en train de mourir, en fait, qu'il va mourir là, bientôt. Donc, merci à cette infirmière, parce que ça nous a permis de comprendre ce qu'on était en train de vivre dans cet endroit surréel où, deux jours plus tôt, on avait dû le voir à distance, en combinaison, en masque, surveillé pour ne pas le toucher. Et puis là, on était tout seul dans cette chambre à pouvoir lui caresser la tête pendant qu'il faisait ses dernières respirations. À l'accompagner vraiment dans ce moment, déjà parce qu'on comprenait ce qui se passait, et puis voilà, parce qu'on était avec lui. Voilà, et puis donc, il avait une dernière respiration particulière. Et puis il a arrêté. Et là, pareil, c'est parce que après avoir pris le temps de vivre ce moment, on a insisté pour voir un médecin, qu'un médecin s'est déplacé et puis a pu nous donner quelques réponses déjà sur la cause de la mort, comment ça allait se passer, parce que sinon, en fait, on nous a juste expliqué. Voilà, c'était juste l'infirmière qui nous expliquait de manière très technique qu'il allait être transféré à la morgue de l'hôpital, qu'il allait pouvoir rester dans cette morgue quelques jours parce qu'elle était déjà bien pleine. Puis s'ensuit du coup un autre récit, c'est le récit de nos petites luttes funéraires à ma mère et moi pour des funérailles dignes et des funérailles qui nous permettent de faire le deuil. Ma grand-mère est morte une semaine plus tard. Et quand on a appelé l'EHPAD, il n'y a pas un moment où on a pensé qu'il n'y avait pas quelque chose de prévu. Je pense qu'ils en étaient déjà à 15 morts dans l'EHPAD à ce moment-là. Hein. Et donc, quand on a demandé, alors qu'est-ce qui se passe avec ce cercueil, à quel moment ils quittent l'EHPAD, et nous, on est où à ce moment-là? Et on nous a passé la personne administrative qui nous a dit, rien, il ne se passe rien. Il dit, comment ils ont fait les autres? Rien, ils n'ont rien fait. Et en fait, visiblement, personne n'avait demandé. Donc, ils ont dû inventer un petit dispositif pour nous, où on a pu aller dans le parking souterrain de l'EHPAD, là où le cercueil allait directement être amené d'en haut, et avoir un moment dans ce parking entre trois camionnettes et avec les deux types en combinaison blanche, là, qui allaient l'amener à Rungis. oh là là, enfin, ça faisait office de rien. Enfin, pour moi, c'était complètement irréel. En plus, bon, là, ça n'a rien à voir avec l'EHPAD, mais ils avaient quand même réussi à ne pas bien orthographier le nom de ma grand-mère. Et bon, la camionnette est partie. Et qu'est-ce que... Enfin, moi, ça ne me faisait rien. Moi, ça me rendait même la chose beaucoup plus irréelle. Et j'avais pas envie, en fait, finalement, d'être devant ce cercueil, alors que j'en avais formulé le besoin. Mais là, dans ce parking, là, j'avais l'impression de participer à moi-même au tabou, quoi. Donc la morgue de Rungis, c'est des entrepôts du marché international de Rungis, transformés en morgue improvisée. Pour nous, c'était un renoncement collectif de plus vers une sorte, forme de déshumanisation. Ce qui nous a permis de refuser, c'est qu'on a croisé un employé d'un service funéraire qui nous a dit, vous savez, si vous ne donnez pas votre accord, si vous ne signez pas un papier, ils ne peuvent pas le transférer, ils peuvent l'amener nulle part. Alors ça nous a donné l'aplomb pour dire au chef de la morgue de l'hôpital Montsouris qu'on n'avait pas envie. Et cette lutte, comme des petites luttes qu'on suivit, on les a gagnées une à une, en fait, parce qu'il y avait finalement très peu de résistance. Pas longtemps après, là, dans la rue, parce qu'on était vraiment pas loin, il y a quelqu'un qui m'alpague. En fait, c'était l'aide-soignant de ma grand-mère, celui qui m'avait hurlé dessus au téléphone. C'est lui qui est venu vers moi, qui m'a reconnu, qui m'a dit à quel point il était désolé, qui m'a présenté ses condoléances et qui s'est excusé d'avoir craqué comme ça. Et en fait, c'était super de le croiser à ce moment-là, parce que là aussi, il a parlé, il nous a dit à quel point c'était terrible, à quel point, oui, les masques, en fait, c'était eux qui les faisaient, comment c'était eux qui faisaient sécher leur propre matériel et comment la direction les laissait complètement face aux familles. Il avait vu le tract qu'on avait collé sur l'EHPAD, il a dit « Ah bon, mais c'est vous ?» Et il est resté un moment avec nous, on a parlé très longuement et en fait, le tract, ça l'avait quand même pas mal animé. Il était en train... lui-même d'essayer de faire une pause quoi et d'essayer de mettre sur chaque événement des dates, de refaire toute la chronologie de ce qui s'était passé parce qu'il avait l'impression que en 10 jours il y avait plus de notion du temps, il y avait plus rien et il se rendait compte alors qu'il n'avait pas pu s'en rendre compte avant que dans l'équipe ils ne se parlaient pas, les aides-soignants, les infirmiers, personne ne se parlait de ce qui se passait, ils repartaient chez eux harassés et complètement déboussolés et ils se parlaient pas. Et là, au moment où on l'a croisé, il était en train d'organiser une réunion avec l'équipe pour pouvoir se parler. Il m'a demandé de lui envoyer les courriers que la direction nous envoyait pour se rendre compte, en fait, à quel point ils avaient été mis en porte-à-faux, que les informations qu'elle donnait étaient soit trop floues, soit trop vagues, soit pas justes. Le directeur du crématorium de la ville de Paris, alors que des circulaires avaient limité à 20 personnes le nombre maximal d'invités pour des obsèques, des funérailles, lui avait décidé que pour les crémations, c'était 5 personnes. Dans ce moment de deuil, dans cet intervalle entre la mort et la crémation, j'ai dû fouiller dans les textes et les circulaires pour essayer de lui faire... lâcher au moins le minimum légal qui nous avait été autorisé. Il se trouve qu'il n'en démordait pas et que c'est seulement parce que j'avais déjà eu affaire à la justice et que du coup j'avais une avocate prête depuis son confinement à passer des coups de fil qui l'a lâché en fait. Et le truc fou, c'est que en fait... c'est pas seulement à cause de lui qu'il y avait si peu de gens aux cérémonies, parce que dans les jours qui ont précédé, avec ma mère, on traînait aux abords du Père Lachaise et on cherchait à comprendre comment faisaient les autres. Est-ce qu'ils avaient essayé d'obtenir d'être un peu plus? On voyait des groupes de 2, 3, 4 personnes qui sortaient d'une cérémonie. Et en fait, il y a des gens qui très fièrement nous ont dit qu'ils n'avaient pas demandé à être plus et qu'au contraire, presque, ils en tenaient une fierté, en fait, d'avoir accepté de réduire au minimum les funérailles. Un autre exemple, on nous proposait un faire-part généré automatiquement qui portait la mention « En raison de la crise sanitaire, votre présence aux obsèques n'est pas autorisée ». Et c'est ça qu'on nous proposait d'envoyer à tous nos contacts de manière automatique. Voilà, une preuve, s'il en faut d'autres, de l'emballement à faire disparaître le besoin de se regrouper, le besoin de rituel, le besoin de faire obsèques, de faire des funérailles. Donc ma grand-mère a été enterrée une dizaine de jours plus tard. Après l'enterrement, avec ma mère, on a été devant les pattes pour allumer une bougie. Et il se trouve que il faisait sa pause, lui, cet aide-soignant, à ce moment-là. Donc, on est retombé sur lui. En fait, il nous a raconté quoi, que c'est lui qui avait été là le dernier jour. Il racontait la toilette de base, un gant de toilette pour apaiser quand il y avait de la fièvre, prendre la main, faire une vague caresse... Comme du coup j'avais confiance en lui, je sais qu'a priori elle n'a pas souffert par exemple. Et ce qu'on m'avait dit avant, mais seulement comme on nous mentait sur le reste, j'avais pas confiance. À partir du moment par exemple où il mentait sur la FFP2, comment je pouvais croire et être certaine qu'il y avait vraiment de l'oxygène. Et, mais ça pour nous, l'entendre à ce moment-là avec lui, et si on n'était pas venu ce jour-là, jamais on aurait eu ce récit-là, qui est rien ce récit, mais qui en fait est important. Et qui, enfin, pour nous, ça a été un moment, je pense, plus important que l'enterrement lui-même. Il y avait presque plus de rituels et de charges à ce moment-là, devant le bâtiment où elle a vécu les 5 dernières années de sa vie, avec cet aide-soignant qui était là la dernière semaine de sa vie. Et toutes les deux, ma mère et moi, et notre bougie et lui, ben, ça a été qui nous disait juste, je lui ai passé un gant sur son front quand elle avait chaud, et je pense qu'elle n'a pas souffert. Bon, ben voilà, là, il y avait quelque chose qui paraissait un peu rétabli, quoi. Le 21 avril 2020, notre cortège a marché derrière le corbillard jusqu'au columbarium du crématorium. Et puis voilà, on a pu faire ce minimum qui est d'échanger quelques paroles autour du cercueil avant qu'il parte vers les flammes du crématorium. Le directeur du crématorium... Il n'en a pas démordu, il a continué ce jour-là à nous presser, à nous pressuriser, à nous compter. Voilà, on était 22 au lieu de 20, à compter les minutes. Et donc lui, dans le prolongement, il n'était que dans la gestion du flux. Mais je comprends et je sais que c'était... techniquement compliqué, en fait, qu'il y a eu effectivement un afflux de corps, de morts plus important dans cette période. Mais en fait, le Père Lachaise, c'est immense. Et des endroits pour se recueillir au Père Lachaise à proximité du crématorium, il y en avait plein. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucune intelligence qui a été déployée pour permettre, dans les contraintes du Covid, de pouvoir se recueillir, de pouvoir être quelques-uns autour des cercueils de nos proches. En tout cas, du point de vue de mon expérience, de notre expérience, le monde médical, il a presque profité de la mise à l'écart des familles pour bosser tranquille. Que, en tout cas, ils n'ont absolument pas compris la nécessité de maintenir un lien avec les familles, un lien de nouvelles. Mon père, ce qu'il voulait, ce n'était pas vivre deux jours de plus, c'était dans ces deux derniers jours de pouvoir nous dire quelques mots et recevoir quelques mots de notre part. Pratiquement date par date, il s'est passé la même chose pour le père d'Ivan et pour ma grand-mère. L'hospitalisation, la difficulté de parler avec les médecins et puis les décès. Ben, le fait que ça nous arrive en même temps et de suivre les pérégrinations de l'autre et ses difficultés, moi en tout cas, ça m'a donné beaucoup de courage et de force pour aller gueuler quand fallait gueuler, pour demander de, si je veux voir le cercueil et je veux des informations. Toutes ces actions de revendication ou de refus, c'est ce qui nous a permis de faire le deuil sans être dans le tabou et sans avoir le sentiment aujourd'hui que nos morts ont été escamotés et que notre deuil devait être caché. André Oupertz est né en mai 1936 à Bruxelles et mort à Paris en avril 2020. Franja Kornberg est née à Nimirouf le 6 avril 1920 et morte à Ménilmontant le 7 avril 2020, le lendemain de ses 100 ans. Yeah. Avant la guerre, il y a eu un certain nombre d'exilés antifascistes, italiens, les frères Matteotti, espagnols, allemands, qui sont morts en France et qui sont inhumés tout près. Les tombes communistes font un peu barrage. Il y a un petit peu une emprise communiste, et donc les tombes de ces militants antifascistes sont à proximité, le plus près possible du mur, mais pas là, parce qu'il n'y a pas eu préemption, mais il y a eu préemption de fait, je dirais. On a la mémoire de la Commune, on a la mémoire de l'antifascisme et du Front populaire via le pacifisme. Et à partir à la libération, donc cette mémoire de la résistance qui vient s'articuler sur les deux mémoires antérieures. Et puis, puisqu'il y a la mémoire de la résistance, il y a aussi la mémoire des camps. Et donc, nous sommes là, les tombes collent les unes aux autres. Hein. Donc je suis en train de me déplacer vers la gauche, 41-45 Auschwitz-Birkenau. Collabore de Vichy, 76 000 juifs de France, hommes, femmes et enfants, furent déportés à Auschwitz, la plupart périrent dans les chambres à gaz, victimes de la répression policière. 3 000 résistants et patriotes connurent à Auschwitz la souffrance et la mort, donc c'est les deux types de déportations. Là, on est dans un monument, hein, puisque ce sont des cénotaphes, évidemment, il n'y a pas de corps, c'est un peu de terre et de cendres. Et on dénonce l'adversaire. Ce qui est une rupture totale dans les cimetières, puisqu'il y a paix des cimetières, c'était au bord de la Commune, mais on ne disait pas que c'était les Versaillais qui étaient les ennemis, alors que là, on dénonce les ennemis. Alors, si on avait le temps de se promener plus en détail, sur beaucoup de ces tombes, on a vu apparaître, c'est un phénomène quand je dis récent, c'est il y a 10 ans, quoi, 10-15 ans, à la mémoire de mon mari déporté, à la mémoire de la famille déportée. C'est-à-dire que le cimetière devient la tombe de ceux qui n'en ont pas. Devient le cimetière par défaut, devient un lieu de recueillement possible et un lieu du sens possible par cette construction monumentale. Et au milieu de tout ça, donc le Parti communiste va inhumer ses dirigeants. Mais on trouve également la tombe des victimes de manifestations, les victimes de les morts de Charonne. Lui fait la manifestation pour la Panalgérie contre l'OAS. Sont quelque part par là. Cette tombe-là est intéressante. Adrien Lejeune, le dernier des communards, il est mort en URSS en 1942. Le Parti communiste en 1924 avait fait don à Moscou d'un drapeau de la Commune qui était dans le mausolée de Lénine. La mémoire de la Commune est réinterprétée comme fondatrice de 1917. Et donc Adrien Lejeune a été longtemps inhumé face au Kremlin, enfin dans la. Face au mausolée devant le Kremlin. Et en 71, on est après 68, l'extrême gauche fait une énorme manifestation pour la commémoration de la Commune. Et en 68, les barricades ont été dans la rue. Donc il y a une réécriture évidemment de la Commune qui échappe un petit peu au Parti communiste. Donc le Parti communiste obtient des Soviétiques de rapatrier le corps de Adrien Lejeune, histoire de réancrer l'histoire dans l'histoire de la Commune. Ça, c'est un monument aux immigrés de la résistance FTP Moy, hein, bon, l'affiche rouge, phénomène relativement récent, il y a 20 ans maintenant, hein, de même qu'une. Voilà, les femmes communistes qui ont donné leur vie pour la victoire, les immigrés et les femmes qui étaient un petit peu des absents de cette histoire monumentale, en tout cas, et dont l'histoire plus contemporaine fait qu'on les réintègre dans cette construction, c'en est une. C'est pas fini, puisqu'il y a une nouvelle strate qui vient s'ajouter. Et c'est toujours l'histoire avec une résurrection, hein, c'est cette histoire qui s'articule. On va là. À la mémoire de Maurice Audin, hein, donc c'est très récent, qui a été érigé par le Parti communiste, mais avec le soutien de la ville de Paris. La ville de Paris qui a par ailleurs érigé un peu plus haut en sortant, mais c'est quand même le prolongement, un monument aux victimes de l'OAS, plus général. Donc on voit comment c'est un processus sans fin qui s'est construit autour de ce pôle initial qui était le mur. peut peut-être le lire. On peut le lire. Alors, à la mémoire de Maurice Audin, mathématicien, militant du Parti communiste algérien, engagé dans la lutte politique pour l'indépendance de l'Algérie. Le 11 juin 1957, l'armée française arrêta Maurice Audin à son domicile avant de le torturer, l'assassiner et de faire disparaître son corps. Le 13 septembre 2018, 61 ans plus tard, ces faits étaient reconnus par le président de la République française, qui a également reconnu que la mort de Maurice Audin avait été rendue possible par un système légalement institué d'arrestation-détention, mis en place grâce au vote par l'Assemblée nationale des pouvoirs spéciaux qui confièrent à l'armée tous les pouvoirs de police à Alger. Des milliers d'Algériens ont connu le même sort. Le souvenir de Maurice Audin et des autres victimes de cette terrible répression ne peut que renforcer la détermination de toutes celles et tous ceux qui luttent pour que les crimes d'État, les arrestations arbitraires, la torture et les disparitions forcées qui ont cours partout dans le monde soient reconnus, punis et ne puissent plus se reproduire. L'écoute et l'écho, autour de la revue Jeff Clark Feu Follet. On arrive à la fin de cette émission. On va remercier toutes les personnes qui nous ont permis de construire cette émission. D'abord l'équipe Jeff Clark pour tout le travail qu'ils ont fait pour cette revue. Et aussi à toutes les personnes qui sont venues sur le plateau discuter avec nous de leur travail. Et on va remercier aussi quelques spectres, fantômes et alliés essentiels, sans qui la vie serait un peu trop difficile ici. Donc on remercie Albert Heiler, le groupe Bauhaus, et puis les fanfares populaires italiennes, dont Vania va peut-être nous dire un petit mot. C'est des fanfares qui traversent la ville de Trapani lors de la fête des mystères. Une ville entière descend dans la rue et joue des marches funèbres. La fin, la mort et la résurrection. Et on remercie aussi évidemment Elsa et Ivan pour leur récit, mais aussi pour les quelques morceaux de clarinette qu'ils ont pu nous jouer lors de l'interview qu'on a réalisée avec eux. Et on remercie aussi et surtout la plateforme Pinode, qui nous permet en fait à chaque fois de faire ce direct et d'émettre. Merci Agnès pour la lecture du Ghost Tract. Merci aussi à Oreste et Gianni pour leur interview et pour leur chronique en fait sur les procès des asilés italiens et italiennes. Merci à Daniel Tartakovsky pour son généreux partage des savoirs et sa sympathie. Et on espère se retrouver très bientôt pour une prochaine émission, L'écoute et l'écho. Et on vous laisse avec un magnifique morceau de notre aimée Brigitte Fontaine, Folie. Folle de tristesse et de rage, mangeant la merde et le cirage, folle de terreur et d'horreur, je vomis mon foie et mon cœur, cloîtré dans l'éternel taudis, entre ces murs que je maudis, je tourne comme une toupie, ou sur quelques loques. Je sors, c'est pour quelques pas. L'espace horrible fond sur moi comme un gigantesque vautour, transparent et sanglant le jour, plus noir que l'enfer dans la nuit. Eh bien oui, telle est ma folie. Brigitte est folle, hi, hi, hi. Que c'est drôle, que c'est joli, dans les plumes de canaris, les feux follets et les rubis. Brûler vive sur le bûcher, l'esprit et le corps embrasés,